reconnu. Eh bien, je veux remercier quand même ce téléspectateur anonyme qui m'a envoyé du caviar en me disant « C'est pour les restaurants du cœur de Neuilly ». Un jeune homme dont le père est notoirement gangster et, eh bien, a été convoqué à son tour au baccalauréat. Il est rentré chez lui tout fier, il a dit à son papa, tu vas pas me croire, ils m'ont interrogé 2 heures, j'ai pas parlé. Le festival de Cannes est ainsi appelé à cause du fait qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui viennent avec une canne. La situation en France pourrait s'améliorer dans les 10 ans qui viennent. En effet, on pourrait à ce moment-là être classé pays sous-développé et les autres nous viendraient en aide. Voyez ? Eh bien, du rire aussi pour les petits et pour l'écran. L'écran, c'est l'écran. Vas-y, à toi. Voilà, sans transition, je reçois Bernard Tapie. Salut, bonhomme. Ok, là, le nanar. À droite, à gauche, au milieu. Non, pas là. Là non plus. T'as perdu. C'est la combine à nanar. Être partout et être nulle part. Politique, business et foot. Nanar est tellement partout. Peut se planter nulle part, jamais tricard, non jamais tocard. C'est la combine à nanar, d'apporter un Richard, vendre, acheter, revendre, acheter, avec rien dans les gobelets. C'est ça les billes à nanar, elles sont partout, elles sont nulle part. C'est la combine à nanar, être partout et être nulle part, OMPS, MRG. Rien de plus paradoxal que l'amour, on fait plein de trucs qu'on n'aime pas faire et qu'on fait pas, et le contraire, des choses qu'on aimerait faire et qu'on fait pas. J'ai dit 2 fois la même chose, oui. C'est ça le paradoxe. Francisca Scott qui n'en veut pour aider les jeunes qui n'en veulent et qui cherchent un emploi aujourd'hui. Mon gars Bruno Locher, hein? Oui. Hein? Comment t'appelles-tu? Bruno Locher. Et tu cherches un emploi de quoi, toi? Alors, le prix. Donc, 1750 francs le chausson. Oui. Soit 3500 francs la paire. Ah bon, oui. Voilà, payable comme d'habitude. Par CCP. Par Minitel ou bien tout simplement en glissant votre carte bleue sous enveloppe à l'adresse de la boutique du mercredi. Sans oublier votre code confidentiel. Tous les matins, je prends mon gibolin. Toute la journée, le gibolin me plaît. Faut mal trouver, hein. Wow! Ben alors. Canal Plus, c'est plus. Bonsoir. La McFitette vaut d'ores et déjà 23 400 francs et je tourne la roue d'une maille de fente. Pas de commentaires. Salut, numéro 33 de Télédimanche. Télédimanche, c'est l'actualité télé de toutes les chaînes avec aujourd'hui... La semaine des guignols, c'est toute l'actualité de la semaine vue par les guignols en 25 minutes et c'est tout de suite. Ça c'est filou, ma petite tapette. Ah, t'es une petite tapette. Ouais, et alors là, il y en a qui feraient mieux d'eux, hein. T'en as pas marre, Gilles Daz, de faire ton émission à ton âge. On se repose, Gilles Daz. Alors là, ça m'étonnerait, il y en a d'autres qui... Mais non, les tapettes, t'en as jamais marre. Hein, ah, t'es une tapette. Il y a des moments... Prends ta retraite, Judas! Je vais leur montrer, moi. Stop! Vous vous rendez compte? Un petit bonhomme comme moi, hein? Ça fait combien de temps que je fais de la télé, hein? Et puis encore des petits cons pour m'emmerder. Alors des fois, j'ai envie de... Danse, formidable! Danse, agile, et combien de jours de tournage? Combien de disques vous avez vendus? Vous vous rendez compte, hein? Oui, mais là, on va pas avoir le temps. Des fois, j'ai envie de... Danse, agile, la danse. Formidable. Danse, agile, la danse. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. c'est fini. Lance, lance, la Gilles, la danse. Formidable. Lance, lance, la Gilles, la danse. Formidable. Eh hey, putain, mon pote, tu m'as trouvé là. Oh, Judas, mais c'est pétrifiant. Formidable. Formidable. Une nuit nulle, c'était pas pour me déplaire. Une nuit nulle, c'était pas pour me déplaire. Enfin, le crypté, visiblement, ne plaisait pas à tout le monde. Je ne me laissais pas impressionner, ma décision était prise. Les nuls avaient toujours su me convaincre. En direct du pavillon Gabriel, 9 avenue Gabriel, 75 008, Paris, et en public, les nuls, l'émission numéro 42, avec pour vous accompagner tout au long de cette soirée, celui que les nuls ont personnellement tenu à s'autoriser aujourd'hui, celui qui était déjà parmi nous le 16 mars dernier et qui a tenu à revenir pour notre plus grand plaisir, mesdames et messieurs, je vous présente monsieur Coucou. Hey, hey. J'ai trouvé un truc pour que mes toilettes soient toujours propres et sentent bon la violette. Je me retiens. Ça fait 3 mois. Et ça marche. Pour l'hygiène de vos toilettes, retenez-vous. Oui, mais des fois, c'est dur. Les bombes à crottes. Les bombes à crottes. C'est tellement bon de rire parfois aussi. Bonjour à toutes et à tous. Zénith reprend lundi prochain, 1er septembre, avec un horaire un petit peu modifié de 19h15 à 19h45 dans un studio de cinéma. On va faire notre cinéma avec une équipe musclée, avec des nouveaux, des impertinents notoires, connus, dont je ne vous dis pas le nom, car si vous voulez tout savoir, je vous donne rendez-vous lundi pour la première de Zénith à 19h15.